fils et des cousins. Que tu l'avais eu dans cet encore. Qui donnait sa poitrine pour la patrie. Pendant que d'autres gens préfèrent s'enfuir. Il nous a rassemblés dans ce pays. Pourtant vous étiez tous un en exil. Qui vous a chassé? Vous savez la réponse à cette question. Et je dis que toi y est pardon. Papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé. Toi et ta solution désolé. Et je dis que toi y est pardon. Papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé. Henri Conan Petit faut chasser. Dans ce beau pays il y a eu la guerre. Nous sommes tous fatigués de cette galère. Papi c'est trop caillou, pourtant avant c'était vraiment trop doux. Mes amis ivoiriens soyons conscients, que notre beau pays doit pas sombrer dans la guerre civile, et encore moins dans le tribalisme. Et je dis que toi y est pardon, papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé, toi et ta solution désolé. Et je dis que toi y est pardon, papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé, Henri Conan Petit faut chasser. Tous les Ivoiriens sont tous quand même unanimes, que notre pays doit pas tomber dans l'abîme. La vie c'est pas facile, la pauvreté est encore plus rapide. Dans le lit la chance de pouvoir mieux s'exprimer. Plus de 950 villages électrifiés. N'oublie pas tous les salaires qui ont été payés pendant cette sale guerre. Et je dis que toi y est pardon. Papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé. Toi et ta solution désolé. Et je dis que toi y est pardon. Papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé. Henri Conan Petit faut chasser. Aujourd'hui ils sont tous dans la main. Plus j'ai envie que tout se divadia. C'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai la foi. Que mon pays sera dans la joie. La Côte d'Ivoire n'est pas un jeu de Monopoly. Faut très bien que ça s'arrête, tout est de folie. Mets des baladeurs pour que mon pays retrouve sa paix. Et je dis que toi y est pardon. Papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé. Toi et ta solution désolé. Et je dis que toi y est pardon. Papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé. Henri Conan Petit faut chasser. Et je dis que toi y est pardon. Papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé. Toi et ta solution désolé. Et je dis que toi y est pardon. Papa maman n'était pas pardon. À la Zawadara désolé. Henri Conan Petit faut chasser.